بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الإمام الألباني رحمهم الله أجمعين. Notre prophète bien-aimé صلى الله عليه وسلم a dit: il ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et autres, et authentifié par l'imam al-Albani. Et ce hadith, mes frères et mes sœurs, la première fois que je l'ai entendu dans ma vie, il y a 15 ans, de la bouche de cet homme, à Birmingham, en Angleterre. Et j'ai été marqué par ce hadith, et j'ai été marqué par le fait que Cheikh Hassan commence son cours avec ce hadith. Et donc il me tenait à cœur aujourd'hui de commencer cette conférence pour laquelle on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq, en remerciant donc tous ceux qui ont participé à cette conférence et à l'accomplissement de cette conférence, et en premier lieu Cheikh Hassan, dont je me tairai de mentionner les éloges car je sais qu'il n'aimerait pas cela, mais qui a une place très importante pour moi dans mon cœur et qui est une grande cause dans mon parcours. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, durant 3 semaines, nous allons, avec Cheikh Hassan, ensemble, apprendre beaucoup de choses concernant Allah Subhanahu Wa Ta'ala, concernant sa religion, l'islam, et concernant son prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Et donc, nous commençons aujourd'hui avec un cours concernant le noble compagnon Abu Darda. Comme nul d'entre vous n'est censé l'ignorer, cette mosquée a été appelée mosquée Abu Darda en référence à ce noble compagnon. Et après avoir écouté le cours de notre Cheikh Hassan, vous comprendrez pourquoi cette mosquée a été appelée mosquée Abu Darda radiyallahu anhu. Donc je ne vais pas faire plus long, je vous laisse inshallah écouter et profiter. Jazakumullahu khairan. Et tout au long du week-end et tout au long de la semaine, nous vous indiquerons, Inch'Allah Ta'ala, le programme de cette conférence. Fajazakumullahu Ta'ala. Fatafaddal yajir. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Min ihdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لنا وأكرمنا بهذه الزيارة لإخواننا بمدينة تيرس بالسنغال، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسنات كل من سعى في هذه الزيارة. وفي هذه الزيارة التي نلتقي فيها بإخوان يجمعنا وإياهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفق فهمي ومنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، ولقاءاتنا في هذا المسجد المبارك الذي أسس من أول يوم على السنة، مسجد أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه. جزى الله القائمين على هذا المسجد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المسجد منارة للتوحيد والسنة ومنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر سلطات البلاد على الجهود التي يبذلونها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، فنسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلاد السنغال وسائر بلاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. لونج الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé de cette visite. qui nous a comblés de cette visite, qui nous a amenés vers le fait de visiter nos frères ici dans la ville de Terce au Sénégal. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de par si sublime nom que ceci soit dans la balance de tous ceux qui ont œuvré pour que se réalise cette visite. Nous durons cette visite où nous rencontrons nos frères avec lesquels on se réunit autour du livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Nos rencontres se font dans cette noble mosquée, cette mosquée inshallah qui est bénite, qui a été construite dès le premier jour sur la sunna et pour propager la sunna, la mosquée Abu Darda, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux les responsables de cette mosquée. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que cette mosquée soit un phare du monothéisme et de la sunna et de la voix de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Je n'oublierai pas de remercier aussi les autorités du pays pour les efforts qu'ils prodiguent pour la stabilité et la sécurité du pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'état du Sénégal ainsi que tous les pays de l'islam de toutes sortes de fitanes, qu'ils soient des fitanes manifestes ou des fitanes cachées. يقول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الرجال هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه. حبهم أي حب الصحب الكرام رضوان الله عليهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيها الإخوة في الله، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أحبهم وسلك سبيلهم سعد في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تأمل أخ الإسلام طريق رضوان الله، عن ماذا نبحث في هذه الدنيا؟ عن رضا الله سبحانه وتعالى. فطريق رضوان الله عز وجل له طريق، طريق أولئك الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وطريق أولئك الأنصار الذين آووهم ونصروهم وضحوا من أجل هذا الدين. ولسنا لا مهاجرين ولا أنصار، لكن هل أغلق باب الرضوان؟ أبدا. الآية تقول والذين اتبعوهم بإحسان، هذا يدل ما على ماذا؟ إذا أردنا رضا الله عز وجل فلا بد أن نتبع أولئكم الصحب الكرام بإحسان، أي بإتقان. في ماذا نتبعهم؟ في عقيدتهم، في أخلاقهم، في تطبيقهم لهذا الدين، في امتثالهم لأوامر الله، في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في تضحيتهم لهذا الدين، في تفقههم في لهذا الدين. في هذا يجب علينا أن نتبعهم. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا واربط هذا بالآية، تريد رضوان الله، تريد الخروج من الخلافات، تريد سنة رسول الله وعدم المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي والذين اتبعهم بإحسان، نفس الشيء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات. من كان منكم مقتديا بأشخاص فليقتدي بمن مات، يتكلم عن من؟ عن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم. قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله في منهاج النبوة. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أبغضهم أو سبهم أو سلك سبيلا غير سبيلهم شقيا في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل هذا، الذي يأخذ طريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في خطر، ها شقاوة ما بعدها شقاوة. لكن الله زاد شيئا آخر: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ويخرج عن سبيل الصحابة، لا يتبع طريق الصحابة، ماذا له؟ المصير ما هو؟ جهنم وساءت مصيرا. فالأمر ليس من باب هذا المستحبات، إنما هذا أمر واجب، هذا دين الله، الصراط المستقيم وطريق صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. فواجب علينا أن نتبع صحابة رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تأمل هذا، لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، هذه لمن؟ فقط لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى dans le verset avec lequel j'ai commencé cette assise, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: il est parmi les croyants des hommes qui sont restés fidèles à leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont accompli leur destin, tandis que d'autres attendent encore sans rien changer à leur engagement. Ces hommes cités dans ce verset, ce ne sont autres que les nobles compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la compagnie de son prophète alayhi salatu wassalam et pour faire triompher sa religion. Les aimer fait partie de la foi et fait partie de la religion. Les aimer fait partie de la bienfaisance. Les détester, c'est de la mécréance, c'est de l'hypocrisie, c'est de la perversité. Les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui les aime et qui prend leur voie aura le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà, dans les deux demeures. Le verset, dans la traduction approximative du sens de son sens, il nous dit, concernant les nobles compagnons, les devanciers, les tout premiers croyants, hein, qui ont quitté la Mecque, le Muhajiroun, qui ont quitté la Mecque vers Médine. Hein? Les devanciers, les tout premiers croyants parmi ceux qui ont émigré de la Mecque et ceux qui les ont secourus et accueilli le prophète alayhi salam à Médine, qui sont Ansar, ainsi que ceux qui les suivent à la perfection, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Il a préparé pour eux des jardins sur lesquels coulent des ruisseaux où ils demeureront éternellement. Voilà la réussite suprême. On a deux catégories de laquelle on ne fait pas partie. Le Muhajiroun et l'Ansar. Ceux-là ont réuni toutes les conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux. Et on ne fait pas partie d'eux. Mais la porte de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fermée, elle est grande ouverte. Pour qui? Pour la condition qui vient dans le verset: et ceux qui les suivent à la perfection. Le suivre à la perfection implique de nous d'avoir les mêmes croyances qu'eux, de pratiquer la religion comme ils l'ont pratiquée, d'avoir leur comportement. Hein? C'est de les suivre dans les sacrifices qu'ils ont faits pour cette religion. Hein? Et donc, et comment ils ont transmis cette religion et comment ils étaient dignes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de les suivre aussi dans l'amour qu'ils avaient pour le noble, pour notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour arriver à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit alayhi salatu wassalam, ma communauté se divisera en 73 sectes, tous en enfer sauf une. Ils ont dit, laquelle, ô messager d'Allah? Il a dit, celle qui sera sur la même voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Fait la liaison entre la parole du prophète alayhi salatu wassalam, celle qui sera sur la même voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons, et avec le verset qui vient de passer, ceux qui les suivent à la perfection. Ça veut dire, pour être sauvé dans ce bas monde des innovations, des divergences avec Mohammed alayhi salatu wassalam, et pour être sauvé dans l'au-delà du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben, il faut être sur la voie sur laquelle était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. C'est aussi clair que ça. Il n'y a qu'un chemin qui est le chemin de la voie droite, qui est le chemin qui mène vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la voie sur laquelle était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda nous a dit, celui qui veut suivre quelqu'un, qu'il suit ceux qui sont morts. Il parle de qui? Des nobles compagnons. Il parle à une génération qui a reçu les éloges d'Allah, qui sont les successeurs des nobles compagnons d'Allah alayhim, tabi'in. Il a dit radiyallahu anhu arda, celui qui veut suivre quelqu'un, qu'il suit ceux qui sont morts, car le vivant n'est pas épargné des fitaines et des séditions. Ceux qui doivent être suivis, ce sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit radiyallahu anhu arda, ils étaient les meilleurs de cette communauté. Et ils avaient des cœurs dévoués pour Allah. Et ils étaient enracinés dans la science. Et ils s'imposaient rien. Ce sont des gens qu'Allah a choisis pour la compagnie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour l'accomplissement de sa religion. Reconnaissez-leur leur place et leur mérite et suivez leurs traces et cramponnez-vous à ce que vous pouvez de leur comportement et de leur religion, car ils étaient sur la voie droite. Qui fait son conseil à la communauté? Son noble compagnon radiyallahu anhu arda, duquel le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui veut apprendre le Coran frais comme il a été descendu sur Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'il l'apprenne sur à Ibn Ummi Abd, Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda. C'est lui qui nous parle ainsi et qui nous fait ce noble conseil, radiyallahu anhu arda. Et de là, on comprend que les nobles compagnons radiyallahu anhu étaient des dignes conseillers pour cette communauté. Et qu'ils ont rempli leur devoir comme il se doit après le messager alayhi salatu wassalam. Celui qui déteste les nobles compagnons d'Allah alayhim de Muhammad sallallahu alayhi, les nobles compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou les insulte, ou prend une autre voie que leur voie, il sera malheureux dans ce bas monde et dans le delà. Pourquoi on voit toutes ces divergences maintenant dans la communauté? Pourquoi on voit toutes ces tendances, toutes ces sectes qui existent? C'est très simple. Parce qu'ils n'ont pas pris le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, de ses nobles compagnons, qui est une voie droite. Ils ont raté cette voie, d'où la naissance de toutes ces divergences et de toutes ces tendances qui existent. Le verset, dans sa traduction approximative, est clair. Il est dit, et quiconque s'oppose au messager, après que la guidée lui est clairement apparue, et suit un autre sentier que celui des croyants, nous l'abandonnerons à ceux qui l'aura adopté et le feront brûler dans la géhenne et quelle mauvaise destination il sera pour lui. La personne, quand il prend une autre voie que le prophète alayhi salam, et quand il est en divergence avec le prophète alayhi salam, après qu'il a reçu les preuves, etc., ben il est déjà dans un énorme danger. Énorme. Mais regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rajouté. Il suit un autre sentier, il suit un autre chemin, une autre voie que la voie des croyants. Et c'est les croyants qui rentrent en priorité, ce sont les nobles compagnons de Allah, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous fait comprendre que le fait de prendre la voie du noble compagnon d'Allah n'est pas du domaine du surrogatoire. C'est une obligation. Pour accomplir la religion que veut Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire de l'accomplir selon leur voie. Sinon, on rate la voie. D'où la naissance de toutes ces divergences, d'où la naissance de toutes ces tendances qui existent actuellement. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui insulte mes compagnons, il a la malédiction d'Allah, des anges et de tous les gens. Et le hadith, il est chez l'imam Ahmed. Imaginez un petit peu la situation dans laquelle se trouvent ceux qui insultent les nobles compagnons d'Allah, comme Rawaf et des autres. فنفتتح هذه الزيارة إن شاء الله بالكلام عن رجل من هؤلاء الصحب الكرام صحابي من الصحب الكرام رضي الله عنه وارضاه أبو الدرداء. هذا المسجد يحمل اسم هذا الصحابي الكريم أبو الدرداء الإمام القدوة حكيم هذه الأمة وسيد القراء بدمشق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وارضاه أي جمعوا القرآن في الصحف في العظام في الجلود كان من الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه سيكون عن مناقبه ومواقفه ومواعظه لكي نتعظ ونأخذ الدرس والعبرة ولكي يكون لنا قدوة في حياتنا رضي الله عنه وارضاه. Nous débutons ces assises bi'idhnillah azza wa jal avec l'un de ces hommes, avec l'un des nobles compagnons du messager alayhi salatu wassalam, dont le nom a été donné à cette mosquée construite dès le début sur la sunna et pour faire triompher la sunna. Abu Darda, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré, le grand imam, le modèle, le sage de cette communauté. Le maître des savants et des récitateurs. Le maître des savants et des récitateurs à Damas, radiyallahu anhu wa arda. L'un des quatre compagnons qui ont réuni le Coran à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un Khazraji de la tribu du Khazraji, c'est un Ansari, radiyallahu anhu wa arda. Le Coran était réuni, ces quatre nobles compagnons. C'est-à-dire ce qui a été écrit à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam sur les peaux, sur les os et ainsi de suite. Et notre discussion sur ce noble compagnon d'Allah alayhim tournera autour de ses positions, autour de ses qualités et autour de ses exhortations pour apprendre les leçons et pour le prendre comme modèle, radiyallahu anhu wa arda. C'est un parmi les modèles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a désignés. من مناقبه رضي الله عنه وارضاه أنه من الأربعة الذين جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه منقبة عظيمة. يقول أنس بن مالك فيما أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد رضي الله عنه مجمعين. ومن مناقبه كذلك قربه وحرصه على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وإن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والحديث متفق عليه. انظر الدقة في وصف ما كانوا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرج الإمام مسلم: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء. تأمر كلمته: لا أدعهن لشيء، أي سأحافظ عليهن، رضي الله عنه وأرضاه. قال: أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن لا أنام إلا على وتر، وسبحة الضحى، أن يصلي الوتر قبل أن ينام، وأن يصلي صلاة الضحى، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر، سواء في آخر الشهر، أول الشهر، أو وسط الشهر. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء، لا تختص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام دون الأيام. نهي، لا تختص صيام يوم الجمعة من بين الأيام وتظن أنه له خصوصية، ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من دون الأيام الأخرى، من دون الليالي الأخرى، وتظن أن هذا فيه بركة وفيه شيء. وهذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان إذا كان يصوم وما عنده هذه العقيدة في أن يوم الجمعة فيه بركة في صيامه أو في القيام فيه، هذا أمر آخر. ألا الإنسان يكون يصوم صوم داود أو غيره؟ ومع هذا النهي، والحديث عند الإمام أحمد، ومع هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى كثيرا من الناس في زماننا يخصون ليلة الجمعة بقيام دون الليالي، ويخصون يوم الجمعة بصيام دون الأيام الأخرى، وهذا التخصيص لا يجوز شرعا أبدا، ليس من الأمور التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يوم الجمعة فضله فضل عظيم، له مزايا من دون الأيام الأخرى، لكن ليس من مزايا أن تصومه أو أن تقوم ليلته إلا إذا كانت هذه عادتك. فإن الله سبحانه وتعالى لكريت دب الدرداء سنومبغوز يفزي بختي رضي الله عنه وارضاه لسكي يغيون القرآن ديغون لفيد بخوت عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك dans ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors que le Coran n'était réuni que chez 4 personnes: Abu Darda, Mu'ad ibn Jabal, Zayd ibn Thabit ou Abu Zayd. Il n'y a aucun doute que ça c'est une énorme qualité pour ce noble compagnon d'Allah alayhi, pour ces 4 nobles compagnons. Abu Darda aussi était très proche du prophète alayhi salatu wassalam, et il tenait à apprendre directement du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, Abu Darda a dit: on était en voyage avec le messager d'Allah, tellement il faisait chaud que chacun de nous mettait sa main sur sa tête pour s'abriter du soleil, et personne n'était en état de jeûne sauf le messager sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu wa arda. Regardez comment ils étaient minutieux à transmettre tout du messager alayhi sallam, et regardez comment ils étaient proches du prophète alayhi sallam pour le transmettre cette description de cette journée qui était une journée de canicule. Et 2 personnes étaient en état de jeûne: le messager alayhi sallam et Abdullah ibn Rawaha رضي الله عنه وارضاه. أبو الدرداء أدي خليلي أبو القاسم نحن نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخلة c'est quelque chose de plus fort que l'amour. Le khulla, c'est un amour qui n'accepte pas le partage. Ça veut dire que l'amour du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas partagé. Hein? Quand il dit Khalili, ça veut dire la place qu'il a, l'amour qu'il a pour le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas le même que celui qu'il y a pour sa femme ou pour ses enfants. Il est au-dessus de ça. Hein? Le khulla, c'est pas tout ça, on peut pas traduire avec l'ami intime. C'est quelque chose de beaucoup plus élevé que le degré de l'amour. Hein? Donc il a dit, radiyallahu anhu arda, Khalili, Abu al-Qasim, et ça c'est la cunya du prophète, alayhi salatu wassalam, m'a conseillé de ne pas délaisser trois choses. Et il a dit, radiyallahu anhu arda, jamais je les délaisserai. Il m'a conseillé de jeûner trois jours de chaque mois, que ce soit au début ou à la fin, ou hein, au milieu. Et il m'a conseillé de que je ne me couche pas qu'après avoir fait le witr, la prière impair, et il m'a conseillé de faire salat al-duha. Et ce hadith, il est chez l'imam muslim, rahimallahu a'immat al-muslimin. Et Abu Darda a dit, je ne le délaisserai pas. Ce qui veut dire qu'il a accompli les conseils que lui a prodigué le messager alayhi salatu wassalam. Chez l'imam Ahmed, Abu Darda a dit, le messager d'Allah m'a dit, oh Abu Darda, ne spécifie pas la nuit du vendredi par des prières nocturnes en dehors des autres nuits. Et ne spécifie pas le jeûne de la journée du vendredi en dehors des autres jours. Ça veut dire, ne jeûne pas la journée du vendredi, hein, et que tu lui donnes une certaine particularité, en croyant qu'il a plus de mérites, qu'il a des bénédictions, et ainsi de suite. Certes, le vendredi, il a ses mérites par rapport aux autres jours. Mais, il n'est pas légiféré de le jeûner, comme ça, en croyant qu'il a des particularités, ça y est, je le jeûne. Et comme il n'est pas permis non plus de veiller en prière, de faire des prières nocturnes, durant la nuit du vendredi, c'est-à-dire après le coucher du soleil du jeudi, commence la nuit du vendredi. Hein? Et avec ce hadith, dans lequel l'interdiction du messager alayhi salatu wassalam est claire, on voit que beaucoup de gens jeûnent et font du jeûne du vendredi, il lui donne une particularité. Et il y croit que c'est une journée laquelle, hein, pleine de bénédictions, pleine de mérites, et ainsi de suite. Ils font du même pour les prières nocturnes durant la nuit du vendredi. Et ceci, au niveau de la législation, n'est pas permis. Certes, on peut accomplir des prières nocturnes durant toute la semaine, la nuit du vendredi y compris, sans avoir de croyance dessus. Hein? Et il en est de même pour le jeûne. Il peut arriver que la personne jeûne le jeûne de Daoud. Ça arrive qu'une journée, que ce soit dans ce jeûne-là, ce soit vendredi. Ça, c'est pas l'interdiction. Hein? ومن مناقبه كذلك فقهه وحرصه على تعليم الناس الخير. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وارضاه: كان فينا رجل لم تزل به أمه أن يتزوج حتى تزوج، ثم أمرته أن يفارقها، أن يطلق زوجته، فرحل إلى أبي الدرداء بالشام، فقال إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت ثم أمرتني أن أفارق. قال أبو الدرداء: ما أنا بالذي آمرك أن تفارق، وما أنا بالذي آمرك أن تمسك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاضع ذلك الباب واحفظه. قال فرجع وقد فارقها، ولهذا كان حكيم هذه الأمة. ونقارن ونتأمل فقهه وتوجيهه رضي الله عنه وارضاه، ونقارنه بتصرعات وخفة البعض الذين دمروا أسرا ها وفرقوا أطفالا عن أمهاتهم والله المستعان. وقال تأمل ما أنا الذي بآمرك أن تمسك وما أنا بالذي أمرك أن تفارق، لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أي الوالد قال الأم أو الأب أوسط أبواب الجنة، فأنت ضيع ذلك الباب أضع ذلك الباب واحفظه. فرجع هذا الشاب وفارق تلك الزوجة، لأن الكلام ممن لا ينطق عن الهوى، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال قال لي أبو الدرداء أين مسكنك؟ قال قلت في قرية دون حمص. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية أي من الغنم. والحديث أخرجه ابن خزيمة وغيره وحسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن أبي داود. وهذا أمر من هذا الصحابي الجليل بماذا؟ بالمحافظة على صلاة الجماعة، بالمحافظة على صلاة الجماعة رضي الله عنه وأرضاه. انظر كيف كانوا يعلمون الناس الخير ويوجهونهم إلى ما فيه رضوان الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان اتباعهم واجب وليس من باب المستحبات. Et parmi ses qualités aussi, la science qu'il a acquis, radiyallahu anhu arda, et le fait qu'il tenait à enseigner aux gens le bien. Il tenait à enseigner le bien qu'il a appris du messager alayhi salatu wassalam. Abu Abd al-Rahman al-Sulami, radiyallahu anhu arda, a dit, la mère d'un homme parmi nous ne cessait d'inciter son fils à se marier et à le motiver à se marier. Et quand il s'est marié, sa mère lui a demandé de divorcer. Il l'a incité à se marier, puis lui demande de divorcer. Cet homme est parti voir Abu Darda de Médine, directement où? Vers Damas. Radiallahu anhu wa regardez comment les sacrifices et les efforts qu'ils font pour préserver leur religion et pour être sur la bonne voie. Il est allé voir Abu Darda au nord de l'Arabie Hacham et lui a dit « Ma mère n'a cessé de m'inciter, de me motiver à se marier, maintenant il me demande de divorcer. » Abu Darda lui a dit « Je ne te dirai pas de t'en séparer. Et je ne te dirai pas non plus de la retenir. J'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire, les parents, dire le père et la mère, sont la porte du milieu du paradis. C'est la porte du milieu du paradis. Préserve cette porte au père-là. D'où pourquoi les hommes de science, ils l'appellent le sage de cette communauté. Hakim Hadil Umma. Il l'a orienté vers la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a attesté, on suit. Regardez ce jeune aussi. L'homme est revenu. Il a divorcé sa femme. Pourquoi? Il veut préserver la porte du milieu du paradis et mettre en application ce qu'a dit le messager alayhi salatu wassalam. Mais regardez, essayez de voir un petit peu nos contemporains qui sont un petit peu éparpillés à travers le monde et qui séparent des couples et qu'on voit et qui déchirent certaines familles. Les enfants sont séparés du père ou de la mère et ainsi de suite. avec le fait de se précipiter à les envoyer au divorce et à les, hein, et à les séparer. Regardez cette sagesse qu'avait Abu Darda et comment il a orienté cet homme radiyallahu anhu wa arda. Et selon Mu'dan ibn Abi Talha al-Ya'mari, il a dit qu'Abu Darda lui a posé la question: où tu habites? L'homme a répondu: j'habite dans un village en dehors de Hems. Ça veut dire j'habite pas en ville. Abu Darda a dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire, ces trois personnes habitent dans un village et qu'ils ne font pas la dinde, ils n'accomplissent pas la prière en commun. Shaitan s'accapare d'eux. Cramponne-toi au groupe, c'est-à-dire reste avec l'unité des musulmans. Car le loup ne dévore que la brebis galeuse, celle qui se sépare du groupe. Et Shaitan, hein, il s'accapare de tout un chacun qui se marginalise par rapport à la jama'a des musulmans. Hadith, il est chez Abu Daoud et d'autres. Et ce qu'a dit Abu Darda, c'est un ordre pour préserver la prière en commun et pour rester dans l'unité, hein, et pour ne pas se marginaliser par rapport à l'unité du musulman. Al-Qais ibn Kathir قال قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قدمت لتجارة قال لا قال أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث أما قدمت لحاجة قال لا قال ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث قال نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحد وافر والحديث عند ابن حبان وعند غيره وصححه الإمام الألباني رحمة الله وهذا حديث كذلك بين مدى فقه أبي الدرداء وكيف حرصه على توجيه الناس إلى الخير وتبشيرهم بما بشرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتأمل هذا الرجل سمع حديثا من رسول الله من سمع أن أبا الدرداء يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فخرج مسافة شهر فقط للحديث وعندما سمع الحديث رجع إلى مدينته ها رضي الله عنه وارضاه. Écoute maintenant parmi ses qualités aussi selon Qais ibn Kathir, un homme est venu voir Abu Darda, un homme est venu de Médine pour voir Abu Darda, alors qu'Abu Darda était à Damas. C'est un voyage d'un mois. Hein? Et Abu Darda lui a dit, qu'est-ce qui t'amène? Tu es venu pourquoi mon frère? L'homme lui a répondu, je suis venu pour un hadith. J'ai entendu que tu transmettais un hadith du messager alayhi salatu wassalam. Abu Darda lui a dit, tu n'es pas venu pour un commerce? Il a dit non. Tu n'es pas venu pour quelque chose? Il a dit non, je suis venu pour ce hadith, pour acquérir, pour l'acquisition de ce hadith que tu transmets du messager alayhi salatu wassalam. Abu Darda lui a fait une noble annonce. Il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, celui qui prend un chemin pour l'acquisition d'une science, Allah lui fait prendre un chemin vers le paradis. Les anges étalent leurs ailes pour le demandeur de science par satisfaction de ce qu'il fait. Ceux des cieux, ainsi que ceux sur terre, et même les poissons dans l'eau, implorent le pardon pour le savant et pour le demandeur de la science. La différence entre les mérites du savant et ceux de l'adorateur sont comme la différence qu'il y a entre la lune et les autres astres. et les savants sont les héritiers du prophète. Les prophètes n'ont laissé aucun son héritage, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'apprend a pris une grande part du bien. Le hadith, il est authentifié par Cheikh l'imam Al-Albani, rahmatullah alayhi, il est Cheikh Tirmidhi et d'autres. Regardez comment il aimait aussi, combler de joie ceux qui viennent pour apprendre chez lui. Regardez cet homme, toute cette distance qu'il a fait. Regardez la bonne nouvelle avec laquelle il l'a accueilli Abu Darda, radiyallahu anhu arda. Il lui a annoncé cette noble annonce qui n'est due à personne. Cheikh Rabi, il dit, ceci, les anges n'étalent pas leurs ailes pour les rois, pour les présidents, ou pour les milliardaires, mais les étalent pour le demandeur de la science. فتأمل هذه البشارة التي بشر بها أبو الدرداء هذا الصحابي في هذا الحديث. شيخ ربيع يقول أن الملائكة لا تضع أجنحتها لا للملوك ولا للرؤساء ولا للمليارديرات ولا لأي شيء، إنما تضعها لطالب العلم. يجب أن نكون طلاب علم لكي نحظى بكل هذه البشارات التي جاءتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il faut que nous soyons des réels demandeurs de science pour que nous soyons, pour que nous ayons ces bonnes nouvelles de notre messager عليه الصلاة والسلام. لعل الأخ إن شاء الله يؤدي. بارك الله.